Il n'y aura pas de deuxième débat si c'est comme ça. Non, c'est moi qui vais le faire alors. Tu vois, moi, tu ne feras rien du tout. Moi, je crois que Caramel devrait faire le débat sur le porno. Non, moi, je dis non, je pense que. Je dis, je changeais d'auditeur. Point final à la ligne. Tu veux les changer ? Change de prénom si tu veux. Tu n'as pas dit fourbourré, Gérard. Hein. Comment ? Pourquoi tu veux les changer ? Parce que je vous veux plus. Mais je suis un lâcheur. C'est tout. Nous, on t'aime, mais toi, tu ne l'aimes pas. Lâcheur. Donc. Le débat, toi, le premier débat. Gérard, c'est quoi ta conclusion? Ma conclusion, le premier débat. Vous avez. Bah, tu permets, je te la conclusion. C'est Caramel, écoutez-le. Bon, Caramel, tu la fermes, s'il te plaît, quand je parle. Bah, c'est moi qui mets de l'ordre. Ouais, bah, attends, Caramel. Pour l'instant, oui, c'est pas Caramel. Toi qui commande. Alors, vas-y, si c'est moi qui commande, écoutez, vas-y, allez-y, foutez le souk. Arrêtez. On écoute Gérard. La conclusion, c'est que. Foutez le souk. Eh ben, bonne nuit. Arrêtez, on écoute Gérard. Gérard, tu reprends ton micro, s'il te plaît. Tu s'appelles un blanc. C'est Caramel le chef, c'est Caramel le chef. Tu annonces le deuxième débat. Merci, Gérard. Caramel le chef, ça va les filles? Bon, ouais, Caramel, tu fermes. Caramel, tu la fermes et tu dégages, tu vas retourner au standard, je te veux plus. Cotisez-vous, on écoute Gérard. Ouais, ben pour l'instant, c'est pas toi qui commande. C'est Gérard qui commande, c'est Caramel qui commande. On y va, Gérard, ta conclusion. La conclusion, c'est que vous avez rien compris dans le débat. Tes questions étaient idiotes. Eh ben, elles sont comme toi. Dans ce cas-là, t'envoies des questions au 143 avenue Charles de Gaulle. Comme ça, tu fais pas ton travail. Voilà. Dans ce cas, le deuxième débat, c'est les films porno. Ah, je veux y participer. Et les magazines porno, non, je veux d'autres auditeurs. Je veux d'autres auditeurs, je dis. Alors moi, j'aurais quelque chose à dire en conclusion. Je dirais que, bon, ce sujet, c'est une affaire à suivre. Et qui serait en effet important d'en parler peut-être dans d'autres lieux, de médias, etc. Caramel ? Oui. Caramel, je peux parler ? Oui. Oui. Tu veux qu'on fasse un débat en tête à tête ? Oui. Ok. Allô, Gérard, c'est Caramel. Bon, Gérard est en train de s'énerver, donc je pense qu'on va faire une petite pause et on se retrouve pour le deuxième débat. Un disque, pour le détendre. À tout de suite. D'ailleurs, grosso modo, devant vous pour participer. Donc, ce qu'on vient d'écouter, c'est Golden Bind avec Donne-moi du feu, s'il te plaît. Merci. Donc, si vous voulez nous joindre, c'est toujours au 0800-08-5000 et 0803-08-5000 et toujours le 3615 Code Fun Radio, rubrique direct. Donc, pour l'instant, on va discuter un petit peu. Donc, voilà. Donc, si le premier débat, je crois que j'étais un peu dur, ça, je m'en excuse auprès des auditeurs parce que, la personne qui était là, ça. Il y avait des mauvaises vibrations. Voilà. Donc, et puis j'ai eu certains auditeurs qui étaient qui n'ont pas pu répondre aux questions comme je voulais. Donc moi je vais, comme on attend toujours les auditeurs pour le deuxième débat, donc je vais quand même faire ma conclusion sur le premier débat. Donc moi je peux vous dire une chose, que j'ai jamais été consulté un voyant ni une voyante, et de manière l'horoscope et tout ça, je n'y crois pas du tout, pour moi c'est du baratin total. Donc, alors... C'est comme tu voulais à tout prix qu'on change d'auditeur, écoute, je suis en train de faire mon boulot, donc je demande une petite minute. Mais tu vas nous raconter quand est-ce que tu as vu des films porno, quels étaient ces films porno. Est-ce que tu en as vu avec Christine? Ça je parlerai pas ni de Christine ni de la loco. Non, d'accord. Donc ça, il est hors de question. D'accord. Par contre, Gaël, tu précises bien aux auditeurs et aux auditrices qui parlent pas ni de la loco, ni de Christine et des autres personnes que j'ai connues. Alors, ils peuvent parler de quoi? Ils parlent des questions que je vais poser, c'est tout. Et ça va être quoi la première question? Donc ça va être bien sûr pour ou contre la pornographie. Ah d'accord. Donc après, la deuxième, et ainsi de suite. J'espère qu'on ira jusqu'à 10. T'arrêtes avec la caméra là. Non, okay. Gérard, s'il te plaît. Gérard, t'es à la radio, je te remercie. Cyril, s'il te plaît, je t'ai dit non tout à l'heure. Hein. Donc, sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ce que j'ai fait de ma journée, j'ai été chercher du boulot. Ah, d'accord, t'as trouvé? Non. Donc, malheureusement, puis T'as été chercher où? Dans Paris. Mais où? Dans des boîtes d'intérim. D'accord. Mais j'ai à quelqu'un qui m'a téléphoné à la cabine et puis qui m'a donné rendez-vous cet après-midi que j'ai été voir et que je trouve très gentille. D'accord. Je ne citerai pas son nom. Dis-moi, Gérard, est-ce que tu es une actrice pornographique que tu préfères parmi tant d'autres ? Pornographique actrice. La question est vachement dure. Faut que j'y réponde. Vraiment. Bah oui, si je te pose la question, j'ai. Non, Gérard, la question, c'est pas fait pour y répondre. Arrête avec ta caméra. Cyril, s'il te plaît. Merci. Il y en a deux que je préfère. Cachou et Pamela Anderson. D'accord. Pamela Anderson, donc quand même, tu l'as vu dans quel film là? Dans Alerte à Malibu ou, ouais. Ou autre. Mais ça, c'est grave que aussi ça. C'est ouais, mais ça, bon. Ça, enfin bref. Ouais. Bref, passons. Non, mais attends quand même. Pamela Anderson, tu l'as vu vraiment? Non. Non, parce que j'achète pas de magazines comme ça, j'en ai pas. C'est ça, ces magazines-là, Alerte à Malibu, tous ces trucs-là, Dallas, tous ces trucs. Ah non, attends, je m'appelle Française pour regarder Dallas quand même. Je sais que mardi, elle va me casser, mais je préfère prévenir tout de suite que Françoise, je te dis ça gentiment, ouais. Je ne regarde pas Dallas. Voilà. Donc, par contre, le magazine Alerte à Malibu, tu le lis quoi. Non, même pas, je regarde le feuilleton quand il passe et c'est tout. Donc c'est un feuilleton cul que tu préfères et quoi d'autre? Non, c'est pas un feuilleton cul, c'est un feuilleton régulier comme tout le monde. Hein, c'est des. D'accord, ok. Des feuilletons normales et puis c'est tout. Donc on va commencer le premier débat, on va accueillir Marco. Marco, bonsoir. Salut. Merci de baisser la radio, s'il vous plaît, quand je commence à parler. Tu vas te faire casser, toi. Hein. Marco, bonsoir. Oui, bonsoir, Marco. Bonsoir, Marco. Antonio. Bonsoir ma couille, bonsoir tout le monde. Bonsoir Antonio. Oui. Antonio, tu commences à être poli s'il te plaît, tu dis pas ma couille. Il y a pas de problème. Est-ce que tu pourrais me présenter la psychopathe là qui est à côté de toi? Non, elle est plus là. Elle est plus là. Si tu veux son numéro de téléphone, tu demanderas. Non, ça va, c'est vite cinglé aujourd'hui. Gérard, c'est vrai qu'à propos de couilles, tu voulais te faire siliconer les couilles pour pouvoir participer à des films porno. Non mais attends, toi pour l'instant, je sais pas sonner Luigi, d'accord? Et je t'ai pas demandé de. C'est pas Luigi, c'est Marco. T'es complètement parano. Qu'est-ce que tu dis quand toi? Non mais attends, si vous êtes deux derrière, dans ces cas-là, vous avez. Mais non, je suis pas derrière lui. Non, mais d'accord. Arnette et Luigi, je vous ai reconnu. Mais c'est pas Arnette, c'est Tony. Merde. Oui, d'accord. Ok, c'est bon. Je t'ai reconnu. Alors, si tu déconnes. Mais non, tu m'as pas reconnu. Non, mais si tu déconnes, tu vas pas faire long feu, je te le dis tout de suite. Sonia, bonsoir. Bonsoir, Sonia. Attendez, 5 minutes. Mais oui, Sonia. Souviens-toi, puisque Sonia, tu avais dit qu'on allait faire une exception. Ouais. D'accord, ok. Donc, rebonsoir, Sonia. Bonsoir, Sonia. Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Attends, elle sort d'où celle-là, cette Isabelle? Bah, c'est une fille que j'ai pour le standard. Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir mon amour. Bonsoir Gérard. Ta gueule, tu sais pas sonner. Putain, mais ils sont cons les mecs. Bonsoir Gérard, mon amour. Ta gueule, toi, je t'ai pas sonné, pas de chambre. Ma biche. Quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras de ce. Blablabla, quoi. Dessous de lui. 4, 5. Et la sixième, si elle s'est pas reconnue, bonsoir mon amour. Bonsoir Gérard. Bonsoir mon amour. Excuse-moi, je suis désolée. Gérard. Attends, est-ce que c'est vrai que. Gérard, je voulais te dire, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que mon chien t'écoute, il a la gaule. Non mais attends, ton chien, tu lui fais une pipe et ça ira tout seul, il aura plus la gaule. Non, s'il te plaît Gérard, on parle des sujets pornographiques, pas de plus de zoophilie, s'il te plaît. Oui mais Gérard, j'ai une question à te poser. Gérard, j'ai une question à te poser, c'est Antonio. Il paraît que t'as été routier. Donc moi, je voudrais te Gérard, attends. Non Gérard, s'il te plaît, tu reviens. Non, mais c'est pas de ta faute, on a un problème parce que Gérard a une caméra. Gérard, allez. Bon, je vous raconte brièvement ce qui se passe. Pour faire, c'est que Gérard donc n'arrive pas à assumer sa popularité et donc il est harcelé par un caméraman et il le supporte très mal. Non, il arrête avec la caméra maintenant. Gérard, C'est bien qu'il y ait la caméra. Bon, on va expliquer, c'est que bon, le débat de Gérard est retransmis sur Fun TV. Non, attends, je vais expliquer. Donc pour ceux qui ont la radio, que c'est en direct sur Fun TV en ce moment. Et donc on a un caméraman qui a des problèmes, c'est qu'il veut essayer de trop bien faire. Et malheureusement, il s'approche trop près de Gérard et c'est vrai que la caméra vient toucher son visage. C'est vrai que Gérard balance la caméra à 30 000 francs et ça énerve Gérard qui a du mal à se concentrer. Quoi. Voilà. Non, mais il vire. Il vire. Donc, à côté de moi. Quoi? Puis-je répondre aux questions? Bon, on va voir ça. Il reste pas là. Bon. Non, tu te retires avec ta caméra, s'il te plaît. Mais Gérard, mon amour. Attendez, tu te retires complètement. Non, mais ça va, il se recule, il reste là. Mais Gérard, ça me permet de te voir. C'est fait de rose, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui achètent tes PS pour voir tes débats, et donc beaucoup de filles qui aimeraient voir ton visage, donc c'est un peu dommage. Fais au moins une grimace, juste une fois, là. T'es content? Alors, voilà, maintenant. Alors feuille de rose, on recommence ce débat. Mon amour pour la troisième fois qu'on se soutient. Oui, Gérard, je t'écoute. Oh, putain. Non, mais il y a vraiment deux connards sur... Et bonsoir à Sonia. Hein. Bonsoir. Ouais, ça y est, on y a dit. J'y ai dit déjà bonsoir. C'est vrai, Gérard, que Olivier Chabaudeau, c'est ton fils illégitime? Alors, je ne répondrai pas à ta question. Déjà, je voudrais que Feuille de Rose me dise bonsoir. Mais je t'ai dit bonsoir, bonsoir mon amour. D'accord, ok. Gérard, c'est Marco. Et c'est vrai que tu as tourné un film porno avec Christine qui s'appelle Jurassic Sex. Alors, Marco Gérard, c'est Antonio. Est-ce que c'est vrai que la production, ils vont vous recruter, là, toi et la psychopathe, pour faire Marco un remake de X-Files? Mais Antonio, tu l'appelles, s'il te plaît? Oui. Marco? Oui. Marco? Oui. Tu sais ce que tu vas faire? Oui, je vais retourner au standard. Tu retournes au standard tout de suite. Ah, je suis médiocre. Au revoir, Marco. Au revoir, Marco. Salut, Marco. Voilà. Au revoir, Marco. Bon, alors, on va commencer la... Elle est partie, Mademoiselle Soleil. Bon, Antonio, si tu continues, tu vas faire pareil. Alors, tu choisis, tu me laisses poser la question, d'accord? Non, c'est pas Antonio, c'est Marco, là. Non, bah, Marco, je te dis, tu dégages. Non, c'est Caramel, en fait. Non, mais tu dégages, alors. Nous accueillons Marc, qui est là pour remplacer Marco. Bonsoir, Marco. Bonsoir, Marc. Mais non, Marc, parce que moi, je suis toujours avec Marco. Ça va, Gérard? Eh, Gérard, salut. Bon, je pose la première question et je dirais que par qui je commence à poser les questions, qui vont répondre. Comme ça, ça ira plus vite. Alors, êtes-vous pour ou contre la pornographie, Isabelle? Contre. C'est-à-dire, pourquoi t'es contre? Parce que bon, je trouve pas ça très très intéressant, quoi. Mm-hmm. Il y en a qui prennent leur pied avec ça, tant mieux pour eux, mais bon, moi, je trouve pas ça très très intéressant, quoi. D'accord. Et là, je suis sage et je dis rien. Non, mais pour l'instant, c'est moi qui demande, qui répond aux questions. Ah oui, non, mais je te le faisais remarquer, je suis sage. Sonia. Moi, je suis pour. Pourquoi t'es pour? Bah, parce que, par exemple, s'il y a des gosses de 13 ans, 14 ans, qu'on jamais fait, qu'on jamais niqué, ils peuvent regarder ça, ils voient. Il faut qu'ils découvrent les différentes positions. Non, attends, Sonia. Ouais. Sonia, est-ce que tu regardes souvent des films porno? Moi, personnellement, non. Non? Non, mais pourquoi t'es pour alors? Bah, ça peut servir à d'autres personnes qui n'ont jamais eu une relation. Bon, bah attends, ma chérie. Et toi, Gérard, est-ce que tu regardes des films porno? Bah, c'est marqué sur Minitel que Gérard tourne des films de cul à Suresnes. Hein? T'aimes quoi comme position, s'il te plaît, sans indiscrétion? Moi, je le dis pas, je le montre. Non, mais tu peux le dire. De toute manière, le thème de la caisse. Je vais vous dire une chose que. Apparemment, je pense que ça va bien se passer, donc on va durer un petit peu plus tard. Donc je vais vous demander vos positions préférées. Donc tu peux me le dire maintenant. Moi, j'aime bien la cavalier. C'est quoi ça? C'est Zorro. Non, attends. Marco, ouais. Et pareil, ta position préférée, Gérard, c'est de te retrouver écrasé sous un gros tas. C'est vrai? Non, on a dit qu'on parlerait pas de Christine. Pardon. Donc on va demander à Julia, stop, vous taisez 5 minutes les lascars derrière, s'il vous plaît. Julia. Oui, excuse-moi. Alors est-ce que t'es pour ou contre? Ben, je suis pour parce que ça peut servir à certaines personnes. C'est-à-dire? Ça peut être utile à des mecs qui sont seuls et qui n'ont pas forcément la chance d'avoir une nana. Non mais attends, tu crois que... Non. Je voulais pas le dire. On a dit qu'on parlerait pas de Christine. Bon, alors toi, tu dégages, ça fait la troisième fois que tu me poses cette question-là, que je t'ai pas parlé. Non, alors, pas question. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Allez, à toi. Cassé. Tu dégages. Au revoir. Gérard. Au revoir. Quelle est ta position préférée, toi? Non, mais j'ai pas fini de poser ma question, je poserai... Non, c'est pour émoustiller un peu cette demoiselle qui t'écoute. C'est la branlette. Non, mais ça j'attends qu'il y ait une personne qui me dise le pour ou contre et je vous dirai mes positions préférées. Gérard, c'est marrant. Pour répondre à ta question, Gérard. C'est marrant, Gérard. T'es dans le cul. Non. Gérard, c'est marrant. Alors, pour... stop! Attends, on a pas Gérard, accouche. Il reste une nana que j'ai pas posé la question. Mon amour, l'amour de ma vie, là. Oui. Et alors, et toi? Moi, c'est ouais. Alors, moi, ça va, m'amour. J'ai deux positions préférées. Mm-hmm. C'est le pissenlit et le balcon. Mm-hmm. Non, mais attends, est-ce que t'es pour ou contre tes films porno... Bah oui, mais bon. Pour ou contre ta pornographie? C'est ça, la question. On va dire que je suis pour. Alors, explique-moi pourquoi. Bah, écoute, à ton avis. Parce que t'aimes bien regarder des films porno. Oui, sans ça, d'accord, mais bon. Moi, ouais, mais t'es pour du quel côté? Du côté droit. Non. Exactement. Bon, alors moi je voulais que je vous réponde si je suis pour ou contre. Bah oui. Attends, c'est Marc, je peux dire un truc ou pas? Ouais, vas-y, Marc. Ouais, alors Gérard, c'est Marc. Alors, il paraît que t'es contre les films porno parce que pour toi, c'était suffisant de te branler sur les catalogues de la Redoute de Christine sur les pages sexy. Alors, Marc, tu dégages. Là, non, Marc, j'en veux plus. Là, c'est terminé. Bonsoir. Salut, Marc. Marc, terminé. Bonsoir. Au revoir, Marc. C'est la page 327 en particulier. Pourrait-on m'annoncer... Tu sais qui vient de dire ça? C'est Christine. Au revoir, Christine. Puis-je être annoncé, s'il vous plaît? Antoine. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que t'es pour ou contre? Je suis plutôt pour. Alors, pourquoi? D'ailleurs, j'ai loué une cassette vidéo où des médiums me faisaient l'amour. En lévitation. Et certains médiums avaient une différence d'âge et d'autres des pratiques bisexuelles. Voilà. Gérard, il y a Eric qui dit sur Minitel que ta position préférée, c'est à genoux ou la tête dans les toilettes de la loco, c'est vrai? Non, mais ça, je crois que j'ai bien précisé au départ que je voulais pas entendre parler ni loco, ni Christine et autres. Donc, alors moi, maintenant, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent savoir si je suis pour ou contre, il reste Sonia, Isabelle, Julia et Feuille de Rose. C'est bien ça, on en a? Oui. Donc moi, je vais vous dire une chose, je suis contre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bon, ben... Ouais. C'est un truc que... déjà, c'est interdit aux jeunes. Et puis même, c'est dégueulasse à regarder. De voir un mec qui fait mal à une nana, pour moi, c'est dégueulasse. Pour moi, c'est... Je sais pas comment vous dire ça. Parce que faire mal à une nana, c'est... Pourquoi il fait mal à la nana? Non, mais on n'a pas à faire mal à une nana, je suis désolé. C'est du vécu? Comment? C'est du vécu? À la télé, à mon avis... Non, mais toi, Gérard. Ah non, mais moi, j'ai déjà... T'as jamais fait mal? Non, mais ça, de toute manière, je vous dirai... Dis-nous, Non, mais au fur et à mesure... C'est ça, hein? Ben moi, je vais vous dire une chose, que j'ai jamais voulu faire mal à quelqu'un. Et mais c'est quand pas de... même, ça t'est arrivé. Mais tu prends pas de plaisir à faire mal à quelqu'un? Non, j'aime pas faire mal à quelqu'un. Parce que c'est même plus de l'amour, c'est de la rage. Je suis gentille, moi. Et même pas avec une feuille de rose, tu pourrais faire mal à quelqu'un? Même. Manière. Bon. Manière, il y a un proverbe qui dit, faut mieux... Il y a Eric qui dit sur Minitel qu'avec 3 cm, tu peux pas faire mal à une nana. Bon, ça, il a quel âge, Lascar? Il a, je sais pas si c'est pas marqué, 24 ans. Ouais, 24 ans, bah dis donc, si, j'espère pour lui qu'il a essayé de se faire une nana qui était vierge. Gérard, oui, nous accueillons un nouvel auditeur qui s'appelle Malabar. Bonsoir, Malabar. Bonsoir, Malabar. Bonsoir, Gérard. Salut. Bonsoir, Malabar. Si c'est un portable, c'est pas la peine. Non, j'ai un petit problème, c'est bon. Alors, merci pour la musique. Voilà. Donc, on attaque sur la deuxième question. Et on va demander à Malabar de répondre, à Antoine, et puis après, je continuerai petit à petit. Combien regardez-vous de films porno par semaine, alors, Malabar? Malabar! Je t'écoute. Non, mais tu viens d'entendre la question? Bon, alors, Malabar, dehors, tu dors. Allez, hop. Allô. Mais non, il dort pas. Non, mais... Gérard, j'ai un problème de téléphone. Voilà, ouais, bah alors, répète. Tu te réveilles. Tu peux répéter la question sans être agressif. Tu peux répéter la question? Alors, combien de films porno regardez-vous par semaine? Ah, mais tu bafouilles. Non, Gérard, il a pas compris la question. Non, là, tu fouilles pas dans ma mallette. Il y a caméraman qui fuit dans la mallette de Gérard, donc. Allô Gérard, j'ai répondu. C'est un paparazite, hein. Sa mallette est là. Je suis désolé, Gérard, on fouille pas. Gérard, mes affaires. Malabar a répondu. Malabar. Bah, j'ai répondu. Bon, t'arrêtes avec la caméra, s'il te plaît. J'ai pas de caméra. Non, non, c'est pas à toi que je m'adresse, c'est à Philippe, à Cyril. Bon, tu arrêtes, s'il te plaît. Tu arrêtes. Mais Gérard, ça me permet. Alors, Gérard, est-ce qu'on pourrait se concentrer un peu sur le débat, s'il te plaît? Oui, mais moi, je voudrais qu'il arrête un petit peu. Mais arrêtez, ça y est. Pose ta question. Alors, Malabar. Pose ta question. Non, ça y est, tu viens de l'entendre. Alors, je t'ai répondu. Bon, ok. Eh ben, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai répondu? Mais j'en sais rien et voilà, c'est pas grave. Alors, tu dégages. Mais bon, attends, mais c'est toi qui vas dégager tout à l'heure si tu continues. Antoine. Alors, Gérard, purée, c'est tard. Gérard. Oh, tu travailles, Antoine, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Gérard, c'est Malabar. Malabar, tu la fermes. Antoine. Antoine. Oui. Tu réponds à la question, s'il te plaît. Oh là là. C'est bon, quoi la question? Bon, c'est bon, tu travailles. Gérard, s'il te plaît, arrête. Tu te calmes, tout va bien. Et on peut faire la question, Gérard. Non mais, Antoine, il a très bien compris la question, je vais pas la répéter encore une fois. Donc, moi, j'ai jamais vu de film porno. C'est qui parle, là? C'est Antoine. Bon, alors, vas-y. J'ai jamais vu de film porno. D'accord. C'est vrai. Et par contre, je voudrais te demander quelque chose, Gérard. Si vas-y. Étant donné que t'as été routier, j'ai un conseil à te donner. Moi, deux fois les matins, je me lève, et deux fois, je fais pipi jaune, et d'autres matins, je fais pipi blanc. Non, mais c'est pas le thème du débat, hein, je te le dis tout de suite. C'est le sperme, Gérard. Non, mais comme t'as eu Malabar, c'est le sperme. Non, bon, c'est bon, Antoine et Malabar, pour l'instant, vous vous taisez. Sonia. Et j'ai pas répondu à la première question. Non, mais de manière... Sonia, tu réponds, s'il te plaît. Moi, je regarde pas de film porno. Menteuse. J'en ai regardé quand j'étais plus jeune, mais là, j'en regarde plus. D'accord. Mais c'est quoi ta position préférée? Bah attendez, On y viendra. Gérard, il y a Baltrinque sur Minitel qui dit que tu te serais pris le 100 000e kilomètre de bite dans le cul à la loco là, ce week-end, c'est vrai? Bah bravo, non, mais on pourrait peut-être attendez, stop! Je préviens sur Minitel! Bravo à la loco, sans plus t'as... C'est vrai que c'était pas 30 kilos de poils sur Minitel. Tu me déçois, Gérard, là. 30 kilos de poils, hein. Gérard a retiré le casque, là. Et là, comment ça terminé? Reviens, Gérard. Gérard, mon amour, reviens. Je rien. Gérard. Ils sont passés. Mais Gérard, on t'aime. Gérard. Écoute, feuille de rose, s'il te plaît. Alors, Isabelle. Feuille de rose. Alors, Isabelle. Alors, oui, Gérard. Feuille de rose, je te parlerai. Antoine, je voudrais Gérard. Bon, Isabelle, s'il te plaît. Quoi? Tu réponds à la question? Gérard, pour ton record. Antoine et Malabar, vous la fermez. Dans le Guinness Book. Gérard, on aime dans le cul. Là, on a... Bon, Antoine, Isabelle, oui. Tu réponds à la question, s'il te plaît. Alors, moi, je regarde pas, sauf avec toi, ça pourrait être possible. Bon, oh, cochon. Question, hein. Excuse-moi, mais il en est hors de question. Eh ben bon. Attendez. Attends, Isabelle. Oui. Gérard, c'est Antoine, j'aimerais savoir. Non, mais Antoine, pour l'instant, tu te tais, s'il te plaît, c'est pas toi qui. Gérard, c'est Malabarant, ton poussu pendant un alors, mes parents, tu sais ce qu'ils disent, ils t'emmerdent. Ok, Antoine, tu dégages, tu vas au standard. Allez, hop, dégage, Antoine, bonne nuit. Allez, bonne nuit, Antoine. Voilà. Julia. Bonne nuit, Gérard. Julia. Oui, oui, oui. Moi, j'ai vu un seul film porno dans ma vie, ça m'a suffi, j'ai trouvé ça. Lequel? Spécial. Et donc, j'en regarde jamais. D'accord. Mais avec toi, je veux bien essayer aussi. Ok, on verra ça plus avec tard. Toi, en fait. Donc, quel gros cochon, ce Gérard. La feuille de rose. Quel cochon. Ouais, ta gueule, toi, derrière, Malabar. Ça va, ma chérie, ça va? Ça va et toi? C'est Malabar. Malabar, tu la fermes, s'il te plaît, c'est pas toi que je m'adresse. On peut se voir ou pas, feuille de rose? Malabar, quand je t'appellerai... Malabar, quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras de sous le lit. Mais pour l'instant, je m'appelle Malabar, je m'appelle pas pas de chambre. Eh ben alors, pour l'instant, tu t'appelleras pas de chambre. Ça va, ma chérie? Ça va et toi? Ouais, c'est Malabar. Ouais, t'as un beau tard en bas. Malabar, tu me le vires aussi. Je le vire aussi. Oh non, Malabar. Mais où sont les mecs, là? Gérard. C'est Malabar, là. Gérard, Malabar dehors. Gérard, sur Minitel, il y a... Il y a, comment il s'appelle, Guilain qui demande si tu trouves normal qu'on fasse des films porno d'hétérosexuels. Ça, j'ai pas étudié les débats et peut-être que... Oui. Est-ce que tu as un beau tarambard? Oh, j'en ai un. Qui c'est qui parle là comme ça? Bon, feuille de rose, s'il te plaît, mon amour. Oui, c'est moi. Ça va, ma chérie? Ta gueule, Malabar! Oui, mon amour, je t'écoute. Bon, tu réponds à ma question, s'il te plaît, ma chérie? Malabar. Ouais, non, je regarde pas de films porno. Oh, vous voulez fermer derrière quand je pose... Vous voulez la fermer quand je demande une réponse à quelqu'un? On peut parler quand même. Non, vous n'avez pas le droit de parler sur les réponses. Malabar. Oui. T'habites sur Paris? Oui. Bon, Julia. Julia Malabar, vous dégagez. Bonne nuit à tous. Julia, bonne nuit. Salut. Bonne nuit, Malabar. Bisous les filles, à bientôt. Gérard, sur salut. Bisous, Sonia. Sur Minital, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que c'est vrai qu'on se surnomme dans le milieu du porno l'anus luisant? Non. Non, ah, qu'un jour. Est-ce que tu pourrais expliquer à Eros ce que c'est qu'un 69. Un 69, c'est... La question, mais déjà, je vais demander à un bon... Avant de poser, avant de répondre. Tu peux me laisser mon café, s'il te plaît? Allô? Si ça te dérange pas. Allô? Oui. La feuille de rose. Oui. T'as pas répondu à ma question, si hein? Si, elle a répondu. Si, elle a répondu. Allô? Ah, excuse-moi, feuille de rose. Excuse-moi, mon amour. Ah, bon, je te pardonne. Excuse-moi, mon amour. Donc, alors, il y a une question sur Minitel. Qu'est-ce que c'est, un 69? Eh ben, c'est... Vas-y, explique. C'est les... Non, vous me laissez répondre. Oui, laissez Gérard répondre. Laissez Gérard répondre. Gérard. Le 69, c'est où la nana vient sur le mec, ou le mec va sur la nana. Et vice versa. C'est une façon de voir le 69. D'accord, donc c'est... c'est la nana qui suce le mec. Ouais. Et qui présente sa foufoune devant la bouche du mec. Le mec, ouais, présente sa foufoune. La nana présente sa foufoune, je sais pas qui c'est qui répond comme nana derrière, mais si elle est bouchée, c'est pas grave. Gérard, ce qu'il veut peut-être dire, c'est son anus, c'est ça. C'est le mec qui présente son anus. Voilà. Le mec présente son anus. Et de l'autre côté, bon ben, c'est le mec qui va sur la foufoune à la femme, et que la femme. La foufoune, non, la bite à la femme. Pourquoi t'es gêné quand tu parles de ça? Parce que j'aime pas trop en parler. Ah oui, il est gêné, il transpire. Ouais. En plus, il m'énerve avec sa caméra, puis il fait une chaleur là-dedans dans les studios, c'est pas facile. Non, non, il fait super froid. C'est... Ah non, peut-être pour vous, mais pas pour moi. Donc, je vais poser la troisième question. Alors, Gérard, excuse-moi, tu oublies d'accueillir Laurent G. Ah ouais, Laurent, s'il te plaît, Cyril. J'aimerais rester dans l'anonymat. Je suis un DJ très réputé. Je mets de la musique électronique le vendredi soir sur la radio. Bonsoir Gérard. Et j'aimerais réagir sur le débat pornographie. Non mais attends, déjà tu vas pas t'amuser à te masturber parce que sinon tu vas dégager. Pas, tu vas dégager. Naturel. Donc. Donc, préférez fille. Oui. Bon, je peux poser la question avant qu'on passe. Vas-y, Gérard. Qu'on passe le disque. Techno Import, Fairway Records. Je sens que tu as. C'est moi. Alors, là, qui est parti. Et là, tu as. Alors, attends, tu as. Crispy Bacon. Est là. Ouais. Hein, l'oranger est là. Ouais. Gérard, est-ce que c'est vrai que tu arrives à t'auto-sucer? Non, sur vite. Oui. Il y a quelque chose de coincé là. Ouais, enfin. Salut Gérard, c'est Louis. Ouais, salut. Et Gérard, c'est vrai que pour toi, le meilleur film porno, c'est Microcosmos. Je confirme, les insectes, c'est l'excite. D'accord. Louis, si tu... je te préviens, je te donne. Je te donne encore une chance, la prochaine fois, tu dégages. Alors, je vous préviens, vous réfléchissez. Vous réfléchissez à la quatrième... On peut avoir un peu de techno. Non. C'est pas possible. Non, Laurent, tout à l'heure, tu as dégagé, hein, si tu veux continuer. L'oranger. Bon, ben, Laurent, je sens que tu vas pas finir loin. Hein. L'oranger. Pourtant, quelqu'un de réputé dans le métier. Bon, allez, hop. Bon. L'oranger, je sais qui c'est. Je pense, Gérard, il faudrait quand même que tu puisses continuer ton débat. Parce que c'est que je suis... Non, Gérard, je suis un peu perdu quand même. Je voudrais bien savoir où t'en es et où nous en sommes tous, d'ailleurs. Donc, à l'heure actuelle, pour l'instant, il est 3h05 du matin. On est qu'à la troisième question. Je mixe jusqu'à 5h du matin en semaine dans plusieurs boîtes. Bon, allez hop, l'oranger dehors. Bon, allez, annonce le disque, on va reprendre après. D'ailleurs, Lassie, le chien attaque avec un pastis, une grenadine, merci. D'accord. Il y a un... Gérard, c'est l'autre micro, faut appuyer sur l'autre micro, il y avait un problème de son. Voilà, c'est bien. Donc, toujours la suite de la libre antenne, et donc vous pouvez toujours nous appeler au 08 08 5000 et au 0800 3 08 5000, 36 code Fun Radio, rubrique directe pour le Minitel. Et ce que vous venez d'entendre, c'est Nirvana avec. Spécula. Oh pardon. Un spécula de pétard. Merci pour le petit truc. Tu peux leur faire ce que j'ai assez mal compris le titre, s'il te plaît. C'est Pescuna de... Spéculum de tétard, c'est ça? Voilà. Tu peux le refaire? Avec spéculé l'homme de pétard. Enfin bref, passons, vous avez compris. Pétard. Voilà. Donc on récupère Louis. Oui, Gérard. Salut. À propos des positions préférées. Non mais c'est bon pour l'instant, Louis, s'il te plaît. Attends, on continue la présentation, d'accord? D'accord, ouais. D'accord, merci. Constantino. Bonsoir, c'est Constantinos, le magnifique voyant extra-lucide, médium, astrologue, tarologue, vendeur de grec le week-end. Oh, tu la fermes pour un son. Salut, Gérard. Tu la fermes, merci. Sonia. Envahi par ton karma. Constantino, tu la fermes, s'il te plaît. Constantinos, avec un S. Ouais, ben, tu la fermes pour un son, je continue. Sonia. Oui, c'est moi. Toujours là. Isabelle. Je t'aime, Gérard. Moi aussi. Oui. Julia. Julia. Salut, Gégé. D'accord. Et pour finir, l'amour de ma vie. Oui, mon amour. Oh, l'amour de ma vie. Bon. Est-ce qu'il pourrait y avoir un deuxième amour dans ta vie? Non, c'est pas possible, Gérard. Mais si, c'est possible. Bon, oh, s'il vous plaît. Attendez, là. Isabelle. Oui. Isabelle, feuille de rose. Oui. Hein, comme c'est vous deux qui voulez que je... Non, c'est Julia. Ah, il y a Julia. Non, c'est moi. C'est Julia qui veut... Bon, attends, Julia, t'es d'où, toi? Gérard. Oh, t'en bouche à toi, mais dors derrière. Pas. C'est Constantinos avec un S. Ouais, ben Constantino, pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse, c'est Julia et un feuille de rose. Qu'est-ce que je te sers? Salade d'oignon, tomate. Paris. Salade d'oignon, tomate, la totale. Bon, Julia, tu quitteras pas, je te prendrai en antenne avec feuille de rose. Le débat, Gérard. Alors. Je suis réfugié que. Ouais, Constantino, tu la fermes, s'il te plaît. Merci. Je suis en exil à Paris. Constantino, tu la fermes, s'il te plaît, que je pose ma question. Je n'ai pas où loger. Vas-y, Gérard. Vas-y, Gérard, s'il te plaît, pose la question. Alors, on va poser la question que tout le monde attendait. Pose-la par terre, vas-y. Est-ce que Gérard joue dans des films porno? Non. C'est quelle est la position préférée de Gérard? Quelle position aimez-vous le mieux? Alors, c'est Louis, est-ce que je peux répondre? Vas-y. Alors, est-ce que c'est vrai que ta position préférée, Gérard, c'est de prendre le Space Mountain dans le fion? De quoi? De prendre le Space Mountain dans le fion. C'est quoi, ça? Ça doit faire mal. Non, mais attends. Mais Gérard, tu connais pas? Attends, c'est quoi le Space Mountain? Non, mais attends, on va pas s'amuser à citer des trucs... Non, ce sont des noms de position. Le Space Mountain, c'est un nom de position. Surtout, c'est un truc qui est... De quoi? C'est un parc d'attractions capitaliste. D'accord. Eh ben, Constantino, tu vas voir au standard si j'y suis. Constantino, ça fait un S. Hop. Gérard, c'est Constantinos. Gérard, en ce moment, pour tourner la prochaine pub pour Pédigré Pâle, c'est vrai. Alors, qui c'est, et qui c'est qui pose... C'est lui qui court, là, dans les champs de blé. Qui c'est qui posait cette question? Tu le sauras pas. Non, et dans ces cas-là, les deux mecs, si vous n'êtes pas capable de donner votre nom, hein, dans ces cas-là, vous dégagez. Gérard, nous accueillons un troisième mec, justement, nous accueillons Bubblegum. Bonsoir, Bubblegum. Bonsoir. Les radios, s'il vous plaît. Bonsoir, Gérard. Et Bubblegum, on t'a réveillé aussi. Bonjour, ouais. Tu pourrais poser une question, s'il te plaît, qu'on réponde? Non, pour l'instant, c'est moi qui pose les questions. Bah, vas-y, alors. Alors, moi, je voudrais savoir... Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Je voudrais savoir qui est-ce qui veut faire une glace à l'italienne avec moi. Non, bon, c'est bon, pour l'instant, c'est pas toi qui... Non, c'est quoi ce Larsen, là, encore? Continue, Gérard, continue. Donc, qui c'est qui m'a posé une question tout à l'heure parmi les... Bonsoir, Arnett. Bon, ta gueule, toi. Je t'ai pas appelé pot de chambre. Bonsoir, Penny. Oh, bonsoir, c'est bon, bonsoir. J'ai dit. Bonsoir. Bonsoir, Gérard. Gérard, il faut pas pousser mamie dans les orties, alors tu poses ta question, là. Bonsoir, Bubblegum. Bonsoir. Oh, allez, hop, conclusion. S'il te plaît, Gérard, alors, je dois bien savoir moi, la au conclusion moins ce soir, la suite. Pas de conclusion, j'ai pas eu le temps d'intervenir, mais tant pis. Il y a des questions à poser encore. Sur les médiums, bah, c'était bien. Allô? Bon, écoutez, je pense que justement, Gérard est un peu énervé, donc je voudrais, s'il vous plaît, que vous fassiez un petit effort de concentration. D'accord. Il n'y a pas de problème. Dis Gérard, on t'écoute. Donc Gérard, nous t'écoutons. Donc c'est à Sonia. Oh, c'est bon, la double voix. Quoi qu'elle veut le voir? On t'entend rien, toi, non? Gérard, c'est normal, t'as de couilles. Bon, ouais, hop. Alors conclusion. Non, Gérard, allez. Donc la conclusion, moi, Bubblegum, par rapport à ce qui s'est passé au... La conclusion. Tu me réveilles et tu vas pas jusqu'au bout de ton débat. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Gérard, écoute, c'est un problème dans ton casque, donc tu peux reprendre. Non, c'est toutes les semaines. Non, le son est très bien. Les auditeurs, chaque débat c'est pareil, à chaque fois à la fin c'est pareil. C'est le même bordel. Bonsoir Gérard, est-ce que tu pourrais poser ta question là, c'est Tony, parce que tu commences à nous... Bonsoir Luigi. Eh ben, dans ce cas-là, vous restez chez vous, moi je fais conclusion, terminé, bonne nuit. Hop, conclusion. Bonsoir. Conclusion. Bon, non, Gérard, ta question. Gérard, c'est Luigi, je peux faire ma conclusion. Gérard, c'est Constantinos. Bonsoir Constantinos. Ah, arrêtez, vous avez énervé Gérard, il est en train de ranger ses papiers. Alors là, après, voilà, je sais pas ce que c'est, donc s'il vous plaît, concentrez-vous Gérard. Au moins 5 minutes pour au moins savoir la conclusion de Gérard. Il va poser un ultimatum après, il reviendra plus faire de débat et vous allez être content après. Gérard, non, Gérard. J'annonce même pas le débat de la semaine prochaine. Gérard, j'aimerais savoir, est-ce que tu as été recueilli par la SPA ou par la DAS? Gérard, reprends ton casque. Le mot DAS, tu peux dire. Mais attends, il a dit DAS. Qu'est-ce qu'il y a à dire dans DAS? Adidas, pas DAS. Adidas. Tu crois que j'ai pas entendu? On t'aime. On t'adore, Gérard. Gérard, c'est quoi, Gérard? Gérard, je t'aime. Les filles, j'ai une question pour vous. Ouais. Est-ce que, quel est le scénario de porno que vous aimeriez faire? Et toi d'abord? Moi? Avec Gérard? Avec des filles. Bon, Gérard, c'est Tony, je me reprends. Ouais, et des garçons. Je vais te demander de ne pas claquer trop fort la porte. Non, mais déjà, pour l'instant, tu as l'affirmé, je fais la conclusion du débat. Ok, je peux commencer. Gérard, je fais la conclusion. Il n'y a pas de question là. Je ne veux pas le savoir, c'est moi qui commande, je fais conclusion. Gérard, c'est bubblegum. Je fais conclusion. Tu peux parler? Fais. C'est terminé. La conclusion maintenant. Alors, pour ceux qui étaient là du début, ben... Et j'ai pas fait ma conclusion, moi. Eh ben, tu fais ta conclusion, tu te dépêches. Et moi aussi, je fais ma conclusion. Alors, les filles, allez-y, commencez. Non, on commence, je commencerai par les mecs, comme ça... Ok, plus vite que j'aurai fini, plus vite que je serai débarrassé avec vous. Ok, c'est Louis. Mais je veux plus vous entendre. Bon, t'arrêtes avec ta caméra, s'il te plaît. Bon, c'est Louis. C'est terminé, là, maintenant. C'est Luigi, je peux commencer? Alors vas-y, Minecraft, parce qu'après tu repars au standard. Moi je préférerais commencer. Non, je commence, Bogom, ok? Non, je préfère. Mais non, ta gueule. Luigi, tu fais ta conclusion, s'il te plaît? Oui, ok, ma conclusion c'est ça, Gérard. Écoute bien ma conclusion. Hein. Ouais. Ok. Luigi, bonne nuit. C'est bon, ça y est, on a fini avec lui. Voilà, c'est bien le son. L'autre mec qui était derrière, c'était qui? Tony? Oui, bonsoir. Conclusion? Conclusion. Alors, ok. Non, c'est pas ma conclusion. J'ai pété. D'accord. Alors, Tony. Attends, ça y a une mouche. Mouche à merde. Ah, il y a une mouche à merde là, ça sent caca. Ça pue. T'arrêtes, s'il te plaît. Bon. Tu arrêtes. Gérard. C'est bubblegum. Arrête. Putain, mais c'est pas vrai de travailler comme ça. Tu arrêtes, s'il te plaît. Tu t'appelles ça travailler? T'es bon, tard. Tu arrêtes maintenant, tu dégages. Gérard, je voudrais qu'on revienne. Gérard, vous écoute plus parce qu'il y a un problème avec le caméraman. Tu arrêtes, s'il te plaît. Je vous explique, Cyril qui est en train de filmer en fait un petit problème avec Gérard. Allô, les filles? Bon, ouais. Tony, ta conclusion? Oui, c'est bubblegum. Non, mais conclusion, allez hop. C'est Tony, je vais me coucher. Allez, Tony. Ouais, je vais me coucher. Bon, bonne nuit, au revoir. Bubblegum là. Non, Bubblegum. Ouais, conclusion. Répète. Conclusion, je répète pas les noms. Conclusion. Bon, moi, sur les médiums. Non, ta couche. Sur les médiums. Non, c'est pas sur les médiums la conclusion. C'est quel débat? C'est les films porno, toi qui as travaillé. Pose la première question. Non, alors tu dégages, bonne nuit, c'est la conclusion, il est 4h. Moi, sur les médiums. Bon, alors, bonne nuit. Hop, au revoir. Alors moi, c'est que je voulais dire plein de choses. Au revoir. J'ai pas eu le temps de parler. Donc on vous raconte, Gérard est debout et en train d'essayer de menacer le caméraman qui essaie justement de le filmer d'un peu trop près comme d'habitude. Et il y a une grosse mouche autour de lui. Et Gérard veut lui mettre de la bombe. Il met du gel. Donc, tu vois, il a un gel aérosol, si tu veux, pour les cheveux. Et donc, il asperge le caméraman. Il est en train d'asperger le caméraman. C'est un... Déconne pas, je le fais. Voilà. Gérard, tu remets ton casque. C'est bon, t'as tué la grosse mouche, ça va aller maintenant. Donc, Sonia, pour toi, à la fin. Sonia, s'il te plaît, la conclusion. Sonia est partie. Bon, d'accord. Bah, c'est bien. Alors, Isabelle. Non. Très intéressant, Gérard, à part que tu hurles tout le temps, mais sinon c'était bien. D'accord. Julia. Ben moi je pense qu'il faudrait que tu regardes un peu moins de films porno et que tu passes un peu plus à la pratique avec de vraies filles. Voilà. D'accord. Attends, Julia, c'est toi qui voulais me parler hors antenne ? Oh, c'est pour rire, Gérard, on se parle quand même hors antenne. D'accord, ok, tu quittes pas. D'accord. Feuille de rose, mon amour. Oui, mon amour. Alors, je t'écoute, toi aussi. Bah, écoute, tu veux que je te dise, j'étais un peu déçue parce que je trouve que t'as été. C'était pas génial. Je pensais que le débat aurait été un petit peu plus chaud et d'après ce que tu disais, que ça allait être super chaud, super sympa et c'était pas vraiment ça. Bah oui, mais. Fallait voir quand même. T'as pas l'air très expert, en tout cas. Hein. Bah oui, mais fallait voir quand même ce qu'on avait comme. Comme Gugus, mais t'inquiète pas. T'auras quand même le droit d'écouter, malgré qu'on ne peut pas l'avoir sur Fun TV. Oui. Je pense pas. Quoi ? Le remix. Le remix, on a cassé les CD, je crois, parce que tu voulais plus qu'on passe. Donc, j'ai demandé comme non, ça. Non, Max, je crois que Max a foutu ça. A tout cassé. Non, mais Max, il l'a pas cassé parce que. Il m'a demandé. Là, il Max, stop, c'est fini. Max, s'il te plaît. Non, mais je crois qu'il est parti, mais. Non, il est pas parti. Remix, on a tout cassé là. Il est dans le coin. Tous les CD, là. Mais non. Le remix, c'est toi qui as demandé qui est plus Gérard, remix. Oui. S'il te plaît, j'ai donc une petite surprise pour toi. Apparemment, on m'a demandé explicitement qu'on te passe, donc ne bouge pas, je te passe la surprise. Allô ? Allô ? Gérard, c'est Caramel. Non, mais Caramel, c'est bon, tu dégages, j'ai pas envie de te parler. Ça va, c'est Gérard. Caramel. Caramel, bonsoir, j'ai pas caramel. Envie. De... Bonsoir. Non mais c'est bon, j'ai pas envie de. Je fais la conclusion, c'est tout. Question. Bon Caramel, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez non, faire? Non Gérard, reste là. Gérard, remets ton casque. Caramel, demande la conclusion. Bon, Gérard, ça suffit. Il y a des auditeurs qui t'écoutent. Remets ton casque. Je veux pas le savoir. J'ai demandé conclusion. Maintenant c'est Caramel. Je veux pas le savoir. Caramel, c'est pas toi que je m'adresse. J'ai demandé. Alors, pose ta question. Non, je te poserai pas de question. Oui. Ça va les filles? Ça va. Bon. Allez Gérard, ta conclusion. La conclusion Gérard, s'il te plaît. Alors la conclusion Gérard, on t'écoute. Bon alors Caramel, tu dégages, je veux plus t'entendre. D'accord. Il a rien fait. Non mais même il a pas besoin de. Voilà, merci. Donc pour les deux Allô filles. Bon, Caramel, que je viens de te dire, tu la fermes. D'accord. Donc la conclusion c'est que malheureusement au standard, je pensais que ça allait être mieux que la semaine dernière. Oh, mais c'était bien là. On a eu des Lascar qui comprenaient rien. Ça c'est vrai, c'est vrai qu'on a pas compris toutes les questions. Comme Caramel qui arrête pas de dire ben pose ta question quand il se lèvera les oreilles il comprendra très bien les questions que je vais poser. Allô Gérard. Bon ben Caramel tu dégages. Pose ta question, continue à parler Gérard, vas-y je me branle. Ouais mais c'est bon ben dans ce cas-là bonne nuit à tous, vous allez. Bonne nuit à tous. Pour l'instant on va mettre Ricky Martin, je reviens après. J'ai pas le numéro de Ricky Martin, Philippe, calme-le-moi. Philippe, s'il te plaît. Je voudrais s'il te plaît, tu fasses la conclusion, moi Gérard, pendant qu'on essaie de rechercher le disque de Ricky Martin, s'il te plaît, Gérard. Non, mais moi tu me retires les mecs, c'est tout. Je ferai pas la conclusion sans les mecs. Je fais pas de conclusion comme ça. Voilà, bah, dans ce cas-là, il se branle tout seul s'il veut. Gérard, c'est bon. Non, Gérard, reste là. Gérard, remets ton casque. Ah, je jouis sur toi. Gérard. Vas-y, Gérard. Gérard. Et les filles. Gérard. Vous vous touchez aussi? Non. Ah, oh, c'est Caramel, là. Bon, Caramel, de toute manière, la conclusion, c'est que vous avez pas su répondre à mes questions. Parce comme que c'était con, tes questions. Ta gueule, pas si t'es pas content, tu vas te faire foutre, d'accord? Je vais me faire foutre avec plaisir. Eh ben alors, tu vas tout de suite. Dans le cul. Voilà. Ah, t'as une voix bizarre. Ouais, bah, je t'emmerde. Pose ta question. Non, je pose pas de questions, c'est terminé, bonne nuit à tous. On écoute Ricky Martin, c'est jour, tout le pareil. Non, Gérard, on n'a pas de disque. Gérard, non, là, Gérard, ta conclusion. Gérard, c'est Caramel. Tu me vires Caramel. Bon. Gérard, c'est moi. Je vire Caramel. On vire les mecs. Merci pour le Larsen. Merci Caramel. Donc voilà. Gérard, s'il te plaît, ta conclusion. Donc la conclusion, c'est que je pensais avoir plus de nanas que ça et apparemment, ben, j'ai mais pas on été. On était trois, Gérard. Attends, on ne suffit pas là. Non mais bon d'accord toi feuille de rose ça suffit. Et hein. Moi Julia. Ouais bah toi Julia Non. Quoi non qui c'est qui est jalouse là. Oh feuille de rose ça va on peut partager. Non y a pas de ça je suis désolée. Non oh. Non mais attends feuille de rose t'es déjà prise hein. Quoi je suis prise par qui. T'es déjà prise. Par qui. T'es déjà prise mon amour. Bah par toi alors. Ah bah non parce que. Parce que bah vas-y dis-moi. Ah bah non je te dirai tout à l'heure. Ah bon, bah oui, première nouvelle, je suis prise, d'accord. Bah ouais, si, hein, apparemment, t'as déjà quelqu'un. Bon, on peut faire ça à deux, il n'y a pas de problème. Non, non, non, je ne fais pas ça à deux, moi. Oh, tu me déçois, Gérard. Ah ben, peut-être, mon amour, mais je ne fais pas ça à deux. Hein. Bon. Bon, Gérard. Donc, moi, pour moi, la conclusion, c'est que, ben, c'est bête que ça se termine ainsi. J'aurais bien voulu que ça se termine un peu plus... Qu'on aille un peu plus loin, parce que j'avais encore deux questions à poser, bah, mais... Bah, pose-les, là. Fini, Gérard. Vas-y, Gérard, allez. Non, mais... Pour là... le plaisir, Gérard. Non, non, attendez, attendez. Oui. Attendez, il y a le chef qui vient d'arriver. Non, non, j'écoute, justement, c'était pour, comme chaque fin de débat, remercier les gens. Mais vas-y, fini. Voilà, donc... J'ai quelques petits soucis caméra, ça, c'est vrai. Ouais, ben, ça, j'aime pas trop, tu vois, donc... Non, moi non plus, mais bon. Donc, ben, la conclusion, c'est que, ben... C'est bête que ça soit terminé mal. Bah, c'est vrai que toujours Tony, Luigi, voilà. Arnett. Comme d'habitude. Même les mecs comme Caramel, tout ça, faut arrêter. Voilà, donc. surtout que je te l'avais bien précisé avant. C'est vrai. Je n'ai pas toujours les mêmes. C'est vrai. Gérard. Voilà, alors voilà encore. Gérard, je vais simplement te dire une question. Est-ce que c'est vrai qu'un jour tu t'es promené dans le métro avec Christine et que les gens ont pris Christine pour un maître chien? Alors, Luigi, je vais te dire une chose, que je t'emmerde et je te répondrai pas à ta question. Même si c'est vrai, on répond pas à sa question. Donc, Luigi, tu retournes au standard, j'ai plus envie de te parler. Au revoir. Ciao. Voilà, ouais, bonne nuit. Alors maintenant, il ne reste plus que trois nanas, je crois. Ouais, Isabelle, ouais. Julia et Feuille de Rose, si vous avez une question à me poser, je vous écoute. Sans les mecs au standard. Ouais, il manque Sonia, c'est dommage. Ouais, Gérard. Je serais bien bouffé le cul de Sonia. Vas-y. Qui c'est qui parle la première? Moi. Qui? Isabelle. Alors, vas-y, une question. Est-ce que tu es libre, Gérard? À l'heure actuelle, oui. Oui. C'est pas la peine de répondre à ma place, Star System. Il faut venir vendredi à la loco, tu verras, il est seul et tu verras qu'il est vraiment seul, quoi. Ok. Donc, voilà. Julia? Ben, moi, je veux pas parler hors antenne, j'attends de t'avoir hors antenne et. Non, mais pose-moi une question. Ben, je t'ai déjà posé toutes les questions que je voulais, voilà. Pose-moi une question. Ben, je sais pas. Donc, tu préfères m'avoir hors antenne? Ah oui, parce que c'est quand même assez personnel ce que je veux te dire, Gérard, tu comprends? D'accord. Donc, Julia, tu me la mets de côté. D'accord. L'avant-dernière, parce qu'il y a Sonia qui vient nous rejoindre. L'avant-dernière, c'est. Ah, une... Sonia. Sonia. Allô? Ouais, Sonia. Ouais. T'as quelque chose à dire, ta conclusion? Non, j'ai une question à poser à Gérard. Oui, je t'écoute. Quoi? J'aimerais bien savoir si tu. Non, mais parle plus fort, s'il te plaît, Sonia. Tu es capable de me prendre. Parce que, à mon avis, t'as pas beaucoup d'expérience, j'aimerais bien t'apprendre quelques petites choses. Oh, attends, Sonia. Elle veut s'occuper de toi, elle veut te prendre en main, elle veut t'apprendre plein de choses au niveau cul. Est-ce que ça t'intéresse, Gérard? Attends, et Sonia, t'habites sur quelle région? Paris. Paris, à Paris. La perceuse et la glace italienne, par exemple. Exactement. Bon, alors, Sonia, tu quittes pas, je vais te parler hors antenne. Voilà. Donc, Julia... Sonia vient de nous voir un jour à la loco. Hein. Voilà. D'accord. C'est clair, moi, j'aimerais bien. Julia, pareil. Alors, hein, tu promets, hein? Promis. Ouais, parce qu'elles disent tout ça, mais elles viennent pas. Hein. Bah, je te reprends en antenne. Ouais, ouais, oui, tu quittes pas, je te parle en moi, antenne avec c'est moi Julien. Qui vais m'en occuper de Sonia, Gérard. Non, non, mais attends, Sonia. Non, Gérard, tu veux parler à Gérard ou à moi? Bah, aux deux. Ah, bon, bah, alors. Non, je me mélange pas avec Gérard, donc je te le laisse, Gérard. je te la laisse. D'accord. Ouais, donc, laisse. Mon amour. Oui, mon amour. L'amour de ma vie de Feuille de Rose, là, je t'écoute. J'ai rien à te dire. Voilà, hors antenne. T'as pas de questions à me poser? Bah non, je suis déçue, c'est tout. Comment ça, t'es déçue? Bah écoute, déçue, c'est tout, non, rien. J'ai rien à te dire, tant pis. Ah. Désolée. Bah mais c'est pas... Parce que j'ai pas été... T'as vraiment pas été sympa ce soir du tout. Ouais, mais ça, Feuille de Rose... Je vais te dire une chose, que je pensais que ça allait mieux se passer. Ouais. Bon, on a eu les mêmes auditeurs que j'aime pas. Ouais, c'est bien. Hein, comme je te l'avais dit vendredi, que normalement le film... Pas, les moi, films... j'aimerais bien faire Caramel, par contre. Oh, non, qui? Caramel. Ouais, mais Caramel, il est plus là. Hein. J'ai rien à faire, par contre. Donc, Julia, Sonia, puis Feuille de Rose, si tu veux me parler en rentaine, il n'y a pas de problème. Caramel est parti. Hein. Donc, ah, on va... Dommage. Je pense que... À moins qu'on m'aille dit que tu veux qu'on rappelle Caramel? Ouais. Non. Caramel. Non, moi je veux pas parler à Caramel. Moi je pense qu'il devrait être là donc, sur les débats. Alors, Feuille voilà. de Rose, Julia, attendez, Feuille de Rose, Julia, Sonia oui, et Isabelle. Vous ne quittez pas, on va vous reprendre en antenne, d'accord? Attendez, okay. Ouais. Hey, je demande, oui. Il me reste quatre nanas. Ah, sinon, sur il y a marqué. Quatre nanas, est-ce que vous êtes d'accord qu'on passe mon remix? Ouais. Oui, alors. Trop tard. Remix, je sais pas où il est. Pas de remix. Couille au fond du cul, Gérard, tu vas trouver. Il y a dans les cartons, faut le trouver dans les cartons. Alors vite fait, je te propose, voilà, sinon, GG, décidément, ton poil de cul entre mes dents, ça m'excite. Et tu devrais penser à avoir un orthophoniste. C'est tu sais Jananis sur le Minitel. Ouais, d'accord. Donc, Gérard, oui. Ça t'excite la blouse blanche? Qui c'est ça? Sonia. Ouais, mais attends, Sonia. En antenne. Allez, on va faire tout ça en antenne, les filles. On vous embrasse et à bientôt, d'accord? Vous ne quittez pas, on va vous repasser Gérard en antenne. Et là, vous allez écouter Ricky Martin, c'est voilà. Après Morgan. Voilà, pour la nuit sans pub, 6h, 9h. 9h, Lorenzo. Et Jenny. Et Ginny, après c'est le meilleur mix qu'à 16h. 16h ça sera Miguel, 19h Eric et Ramsey, 20h Love in Fun avec Arnold et le Doc, Et 22h le Star System avec toute l'équipe. On remercie d'ailleurs pour ça Julie, Gaël, Cyril quand même à la caméra. On peut remercier quand même, merci Cyril. Malgré me faire toutes les vacheries que pas possible que. Et merci pas. Et merci à Philippe. Et merci à Philippe d'Open TV. Donc on va. Fais une grimace, tiens, fais une grimace quand même. Voilà, ça c'est une spéciale dédicace pour notre ami Philippe. Et donc. Et il y a la loco, bien entendu, on vous y attend très nombreux dès demain, on en reparlera. Et Ricky Martins. Avec Undo Stress. Ouais,